Sinistros et moi se réjouissons de la température. Non pas parce que nous apprécions spécialement l'hiver ou la pluie interminable, même la neige. Mais nous adorons par contre cette journée de ces journées de ténèbres, ténèbres qui s'expliquent évidemment par le manque de présence du soleil. Et le soleil, nous, ça nous brûle. De la même façon que l'eau bénite brûle un vampire ou encore les viandes pour un végétalien. Et pire encore, le bon goût pour Sinistros. C'est donc avec beaucoup de plaisir que nous vous annonçons le retour de l'âge des ténèbres. Il sera peut-être même, comme le chantait Quarton the Battery, It's the return of darkness and evil. Mais je suis réaliste et je crois que ce sera plus le retour des ténèbres et de quelque chose de moins agréable que le mal, soit l'évolution métallique selon Sinistros. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant, qui finalement est peut-être aussi pire que le mal lui-même. Du moins, il a le mérite de faire le mal, bien les choses, ou de bien les choses mal faire. Je ne sais-tu? Je le sais pas. C'est Sinistros. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are undead incorporated. Cause we said so. Let's go. You took it wild in your mind. Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de Réanimation. Mardi 13 novembre, Sinistros. Bonjour. Mardi 13 novembre. C'est épouvantable. Nous autres, on fait pas les choses comme nous. Non, c'est juste le mardi, nous autres. Vendredi 13, il n'y a rien là. Vendredi 18, par exemple, c'est quelque chose. J'aime autant pas y penser. Je suis le Dr. Pen Pendragon. Je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h avec lui, que vous nous entendez. Le Sinistros, le gobelin pestilentiel. Le Saint-Gobelin. Le pff, jamais je dirais ça. Je laisse ça à ceux qui n'ont pas réalisé qui tu étais vraiment. Et petit bloc expéditif en ouverture d'émission. Bloc très expéditif consacré à du classic Cold. Non. Tellement expéditif que t'as oublié de mettre le sticker de Dicom dessus. Voilà. Du hardcore des premières heures des années 80 avec à l'instant de New York Agnostic Front, formation qui existe toujours d'ailleurs. Dont il ne reste par contre que Vinny Stigma et Roger Merritt. Mais c'était à l'époque du deuxième album Cause for Alarm, la pièce Bomber Z, qui est parue en 86 sur Combat. Moi, c'est un album que j'aime énormément. Oh, c'est un très très bon. Vraiment très bon album. C'est vraiment les racines du hardcore. Oui, et même là, on voyait qu'il y avait un petit crossover qui se dessinait avec ça. Malheureusement, il est pas super bien enregistré, mais c'était rien comparé de la première pièce. Quoi qu'il en soit, juste avant ça, nous avions de New York également Cro-Mags. Moi, ça me tentait de faire ressusciter Cro-Mags. Ouais, tant qu'à faire. Ressusciter, c'est pas vrai, ils existent toujours. Cro-Mags ont pris une pause en 2003, mais ils sont revenus en 2008. Je pense qu'il est encore là-dedans. Là. Écoute, il ne reste que Blood Clot au vocal, qui est là d'origine, et Mackie. Tant qu'aux autres, c'est des A.J. Novello qui est là depuis 2001. OK, Flanagan n'est même plus là. Non. Puis Mike Coles est là depuis 2012. Donc, c'est encore un duo persistant avec de nouveaux musiciens. Ben, écoute, c'est un incontournable dans le genre, le Cro-Mags. Oui, effectivement. Surtout cet album-là. Hein? Ben oui, The Age of Quarrel, qui était le premier album paru en septembre 86 sur Profile, et la pièce étant Street Justice. Ben, c'était dans les premiers albums où le hardcore se dessinait avec les skinheads un peu, puis ça s'en venait... Oups, la scène métal, les skins se mélangeaient un peu avec les poils. Ben oui, parce que tu sais que t'avais le punk, puis le punk était très... Bon, il y avait une ségrégation qui se faisait avec ça. Après ça, du punk a dérivé justement... Le métal. Ouais. Le métal a joint le punk pour faire le hardcore. Après ça, t'as tout le mouvement justement là des Oi et compagnie, des skinheads qui sont arrivés avec une musique qui était... tiré de ça, mais en même temps qui prenait... c'est drôle à dire, mais c'était même un peu folklorique, les affaires. Ben, quand tu parles de Foreskin, c'était comme ça. Là, Sham 69 aussi. Là. Tout à fait, absolument. Et en ouverture de bloc, Corrosion Conformities, tiré du deuxième album Animosity, qui est paru le 25 octobre 1985. C'était Holier. L'époque du trio. L'époque de Mike Dean, Reed Mullen et... je vais te dire, j'ai un blanc de mémoire. J'ai vraiment un blanc de mémoire, mais je vais te le dire à l'instant. Woody Waterman, bien sûr. Aujourd'hui, ils sont encore tous là, mais ils sont accompagnés maintenant de Pepper Keenan, qui exerce le rôle de chanteur et de guitariste, et qui, selon moi, est aujourd'hui la meilleure version de Corrosion Conformity. C'est à des années-lumière de ce qu'ils font. Il ne faut pas confondre ici, c'est Pepper Keenan dans le sens de poivre et non Pepper dans le sens de pépère. Non, tout à fait. Quoi qu'il est peut-être Pepper, remarque là, à l'âge qu'il a. Écoute, honnêtement, je peux pas te dire là, vraiment s'il est très Pepper dans sa vie. Là. mais moi, je considère que la version stoner de Corrosion aujourd'hui est de loin supérieure. De toute façon. Musicalement meilleure aussi. Musicalement plus recherchée. Et la qualité aussi, je veux dire, d'enregistrement, là. Si on regarde ça, Animosity, ça sent vraiment la merde, là. C'est très, très strident, ça en agressant, mais bon, que veux-tu. Ce soir, en réanimation, vous l'avez entendu probablement, si vous étiez là au début, lors de la présentation, c'est le nouveau volet, segment de l'évolution métallique selon Sinistros. Cette fois-ci, Sinistros nous parlera de 4 artistes ou groupes, tous plus plates les uns que les autres. Non, non, non, c'est faux. Mais à part ça, il n'y a pas de nouveautés cette semaine. Il n'y aura pas de présentation de nouveautés. La semaine prochaine. La semaine prochaine, on va en avoir. Ben, je dis ça, j'en parlerai en fin d'émission. La mienne, c'est pas tellement une nouveauté, là. Ben, mais... tu as piqué ma curiosité quand tu m'as parlé de ça. Ben, c'est parce que ça vient d'être disponible. Bon, anyway, on reparlera de ça plus tard. Petite chronique cinéma et série télé au fil de disons, 20 heures, peut-être, là. Mais quoi qu'il en soit, Sinistros nous a préparé un bloc qui devrait être à la hauteur de ce qu'il peut faire, oui, c'est-à-dire médiocre. Médiocre. Contrairement à ton bloc expéditif, rapide et mal enregistré. Oui. Oui, t'as raison. Je peux te dire que t'as raison. J'ai choisi la finesse, la noirceur et la lenteur. Oui, et en plus, une bonne qualité d'enregistrement. Oui, effectivement. Fait qu'on va y aller avec trois groupes qui ont marqué tour à tour leur style musical respectif. Peu importe l'année où ce qu'ils l'ont fait, t'as des pionniers là-dedans. La majorité de ces musiciens-là, c'est tous des pionniers qui sont dans la scène métal scandinave depuis, mettons, les 30 dernières années. Là. C'est pas, c'est pas une gang de genoux. Non, c'est des vieux routiers. C'est des vieux routiers. Oh, ouais. Puis ça s'est promené d'un band à l'autre. Puis ça a forgé le métal scandinave. Là. Mm-hmm. Le black, autant le black, le death. Là, tout cas, bref. On va commencer par un groupe ce qu'on pourrait appeler du true gothic metal. Ouais, moi, j'appellerais quasiment même ça du vampire horror metal. Oui, mais tu sais, quand on parlait du gothic dans les années 80, Sisters of Mercy, c'est le mais c'était, il avait un tendant beaucoup plus alternatif. Là, oui, c'est ça, c'est ça, ouais. C'est ça. À l'époque, c'était plus alternatif. Là, mm-hmm. À un moment donné, t'as des groupes qui ont voulu associer ça avec du metal. Ce qu'on n'aurait jamais pensé en 1985 ou 86, c'était impensable. Ben non. Mais eux autres, ils ont réussi à recréer cette essence-là. Ouais. Le côté très, très metal, le côté très, très gothique en même temps. Ouais. Je pense qu'il n'y a aucun groupe qui a réussi à faire ça d'une main de maître comme The Vision Bleak. Ben, je pense que je serais porté à me ranger à ton opinion. Il y a beaucoup de bandes gothiques. Tu sais, t'as des similitudes gothique, t'en as d'autres comme, je pense à des groupes comme... t'as des groupes comme Théâtre des Vampires... Oui, ben, les autres, c'est plus électro, tu sais. Mais avant, c'était plus métal. Plus gothique, c'est ça. Paradise Lost, c'est un côté très gothique, très doux, mais en même temps. Ouais. Mais les autres, ils ont vraiment le côté énergique des Sisters, avec le côté très, très, très, très noir des Fields of the Nephilim. Ils sont conceptuels, en plus. C'est ça. Fait qu'on va entendre une pièce de l'album de Death Ship as a New Captain, qui était le premier album officiel du groupe. Mm-hmm. Ça va être la pièce, on aurait pu mettre ça à l'Halloween, qu'on n'y a pas pensé du tout, Night of the Living Dead. Ah, on va y aller... Cerveau. Oui, cerveau, effectivement. C'est paru en 2004 sur Prophecy Production. On va y aller avec un bon classique de Catatonia. Oui, excellente Catatonia, pièce. Excellente pièce avec un excellent album, possiblement le meilleur de Catatonia. En tout cas, le plus métal. Ben oui, mais tu sais, le plus recherché musicalement, je pense. Selon moi. Ben moi, je trouve que c'est le meilleur. Oui, c'est le meilleur. C'est le meilleur. On va entendre la pièce Murder qui est parue sur Brave Murder Day en 1996. Puis on va terminer avec, évidemment, Opeth. Ben oui. Opeth, les Suédois avec l'album Blackwater Park, qui est un album emblématique du groupe. Et du métal. Et du métal. C'est là qu'on a vu le gros death mélangé avec le gros progressif, puis il y avait des touches années 70 qui s'en venaient là-dedans, puis ça ouvrait la porte à ce qu'Opeth est maintenant, là, tu sais. Tout à fait. J'ai toujours trippé sur Opeth, sur le côté très, très méchant, très, très, comme, flyant en même temps. Il y a une dualité dans Opeth. Plus maintenant, là, mais c'est pas grave. Mais aujourd'hui, c'est un groupe progressif. C'est ça. Fait qu'on va entendre la pièce Bleak, qui est une de mes préférées de Opeth. Fait qu'on y va tout de suite avec The Vision Bleak, Night of the Living Dead. À Réanimation! Let's go! stench. The air is slowly filled. Look and behold, shadows walking, the dead are calling. This is the night of the living dead, the nightmare. The devil's gold is reaches all I out to get your head. This is the night. Debout les hiboux, c'est quoi ça? C'est pour les oiseaux de nuit qui se couchent tard mais qui se lèvent tôt pour le travail. C'est ton émission du matin avec Marc Gagné et ses acolytes. Évidemment, on va brasser ta cage le plus possible en chronique culturelle et sportive, actualité, art, musique et événements. Debout les hiboux, un show assez fou, mais juste à point pour te réveiller du bon pied. Du mardi au jeudi, de 7h30 à 9h30, à la Radio Campus, c'est fou, 89h. Vous cherchez un endroit chaleureux pour le temps des fêtes? Vous voulez organiser un 5 à 7 ou un party entre amis ou avec la famille? Réservez au Kiyorama. Dans une ambiance chaleureuse et dynamique, le Kiyorama va vous permettre de passer une soirée mémorable. Réservez votre allée de quilles à l'avance au 819-694-0990. Kiyorama Trois-Rivières! Du plaisir à n'en perdre la boule! À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Bon, tu vas-tu pleurer encore, là? Bien sûr! Non, pas encore. Non, c'est pas pire. Ah, là. Ah, il se lamente un peu. 19h39, vous êtes à l'écoute de réanimation des Hondale Incorporated Show en compagnie de ce sinistro, c'est de ce docteur. Bonjour. On dit bonsoir à cette heure-là. Non, c'est bonjour parce que tu fais l'air, il y a de la neige. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre, mais toi, t'habites dans le sud. Oui, je suis dans le sud, moi. On était dans la flotte quand je suis parti tantôt. Opette avec Bleak qui est paru sur Blackwater Park le 12 mars 2001 sur Music Formation. Leur cinquième album. Mais quel excellent album, comme tous les autres. Oh, comme tous les autres d'avant d'ailleurs. Je pensais t'allais dire comme tous les autres de Opette parce que là on se fait probablement pisciser. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dépasser Blackwater Park, ça a commencé à dropper. Wow, wow, charlie pas là. Non, non, non. Watershed est excellent. D'accord. Ghost Reverie est très bon. C'est lequel qui est acoustique? Hein? Ben, Heritage? Non, non, lui, t'as pas pris. Ah, non, c'est Damnation. Damnation, bon, ça. Ouais, OK, d'abord. Bon, c'est correct, mais pas plus, là. Mais tu sais, à partir d'Heritage, moi, j'ai commencé à dire, oh, OK, je me suis posé des questions. Ouais, Sorcerer, c'était un petit peu moins bon. Puis Pale Communion aussi. Là. Ouais, mais bon. Mais c'est bon. C'est ce qu'il veut faire, hein. C'est qu'éventuellement, il faudrait peut-être que je m'y tape one shot, un en arrière de l'autre pour, tu sais, ben, oublier écoute, que c'est au pire. Sinistros, toi puis moi, on a un sérieux problème. Oui. On est sourdingue en partant. Je sais. Fait que quand on écoute quelque chose, on l'entend même pas. Non, non. Non. Non, mais il reste que... C'est pour ça qu'on fait des chroniques qui ont juste pas de bon sens. Mais je me propose éventuellement de réécouter ces albums-là. Ben, moi aussi, ces derniers moi albums-là aussi. Qui m'ont pas plu initialement. Ben, moi, ce que je vais faire, j'avais réessayé, mais je vais me réessayer encore. Je sais qu'à partir du mois de décembre, je vais avoir une playlist typiquement progressive dans ma voiture. Ben oui, je suis au fait de ça. Merci en passant. Je vais probablement insérer ces albums-là au travers. Ouais. Juste pour dire, tu sais, tu regardes pas ton écran, t'écoutes, puis tu dis, ah, ça en l'air pas pire. Mais tu vas connaître Ackerfeld, anyway. C'est sûr, ou alors. Mais oui. Mais tu d'un coup que je dis, ah, mais finalement, c'est pas pire. Ben, écoute, c'est de la musique de qualité, là. Oui, c'est juste que nous autres. On a tellement été déçus que, tu sais, bon. On a plus aimé ce qu'on fait initialement, on a plus fait la transition. C'est ça. On est deux vieux. Deux chialeux. Deux grincheux. Ben oui. Catatonia avec Murder, c'est apparu sur Brave Murder Day en 1996. Ben, justement, en parlant d'Ackerfeld. Avant-garde. Oui. C'est vrai, il a joué là-dessus. Ben oui, il chantait. Oui, effectivement. Ben oui, c'est un bon concept, à mon affaire. Bien involontaire. Bien involontaire. Et au début, la pièce s'appelait Bleak de Opette, puis là, on a Division Bleak. C'était ben, ça a-tu de l'allure, hein? Division Bleak avec Night of the Living Dead, duo allemand avec le premier album de Dead Ship as a New Captain. Moi, c'est un de mes groupes préférés. Moi, j'aime bien ça. Tous les albums sont tous très, très bons. C'est paru en 2004 sur Prophecy Production. Mais je suis obligé de te dire que mon meilleur est encore cette Cell to Mystery. Oh oui, celui-là. Ça, c'est un ben, c'est avec cet album-là qu'on les a découvert. Exactement. C'est peut-être pour ça. Mais quoi qu'il en soit, ton bloc pseudo-conceptuel avait une certaine teneur en probabilité. Ah, ben voilà. Ah, tu veux. Horace c'est très d'accord. Il est très d'accord. Ouais. C'est rare parce qu'il est obstiné, ce petit singe. Ouais, mais là, on l'a mis au. Je l'ai mis au point un peu. OK. il est maintenant 19h42 et. Comme veut la tradition maintenant depuis la Xème fois. Xème fois, je pense qu'on est rendu à 6. 6 ou 7 peut-être. Bref, je sais plus. Je ne compte plus. Moi non plus. C'est pas grave, on va être l'évolution métallique selon moi-même. La voici. La voilà. We'll be right back. with you. I'm gonna teach you a trick or two. Take Vous cherchez un endroit chaleureux pour le temps des fêtes? Vous voulez organiser un 5 à 7 ou un party entre amis ou avec la famille? Réservez au Kiyorama. Dans une ambiance chaleureuse et dynamique, le Kiyorama va vous permettre de passer une soirée mémorable. Réservez votre allée de quilles à l'avance au 819-694-0990. Kiyorama Trois-Rivières! Du plaisir à n'en perdre la boule! Pour entendre la meilleure musique et commencer la semaine du bon pied, écoutez Les Palmarès C'est fou. En direct, tous les lundis matins, de 7h30 à 9h30, sur votre Radio Campus, le 89.1 FM. Tu souhaites garnir ton CV tout en ayant un emploi épanouissant? Deviens journaliste pour le Zone Campus. Que tu aimes l'actualité, les sports ou encore les arts et spectacles, c'est l'occasion idéale de t'impliquer et de t'ouvrir les portes du marché du travail. Envoie ton CV et ta lettre de motivation dès maintenant à redaction.zc@uqtr.ca. C'est fou, 89 ans. Sinistros, écoute ça. Tu sais qui, ça? Je sais. C'est la voix de la raison. Oui, c'est la raison. Oui. Et la raison de sa terre aussi. Non. La raison de dire t'es un bougre de 3 petits points. De 3 petits points, c'est pas trop insultant. Ah, ça. C'est d'accord. C'est à 4 petits points que c'est insultant. Il y avait un point d'exclamation au bout aussi. Mais whoop! Pousse pas ta chance, toi. Bon, ben... L'évolution métallique, c'est, selon c'est moi-même, 1980, partie 2. Qu'est-ce que c'est, 2? Ah oui, 80, il y a, oui. Il y aura une partie 3 aussi. Oui. Mm-hmm. Au train où on va aller, l'évolution métallique risque de durer au moins 2-3 ans. Ben, autant on va aller, ça va être une régression métallique éventuellement. Effectivement. On va être tellement vieux quand ça va être le temps qu'on ne comprendra plus ce qu'on fait. Quoique, c'est déjà le cas. Là. Ben voilà. Ouais. Ozzy Osbourne avec Suicide Solution qui est paru sur Blizzard of Oz. Premier album de Ozzy. Très bon album. Très bon album. 20 septembre 1980. Pourquoi j'ai choisi cette pièce? Ben, ça me semble assez évident pour toi. Pourquoi? Parce que... Ah! Hein? Voilà la réponse d'un sage. Non. À l'époque, quand cette pièce était sortie, apparemment qu'il y aurait un jeune qui s'était suicidé. Ben, tatati, ouais. tatata. Et là, à l'époque, les années 80, le heavy metal était très, très mal perçu. Ben. Et... Tipper Gore et toute sa gang de clowns PMRC avait décidé de faire taire les cheveux poilus. Ça avait commencé... Les cheveux poilus, pas mal. Ça avait commencé à 7 bonnes heures, même avant qu'elle pense vraiment à faire... 7h moins quart. Oui, mais 6h30 peut-être. Ben. Fait que Ozzy Osbourne avait fait parler beaucoup de lui. Apparemment qu'un jeune s'était suicidé en écoutant Suicide Solution. Finalement... Quand on lit les paroles de cette pièce-là, c'est complètement le contraire. Ben oui, tout à fait. Mais il y a beaucoup de choses qui sont arrivées par l'après. T'sais, Judas Priest aussi a passé dans le tordeur. Marilyn Manson a passé, Megadeth a passé dans le tordeur. Ben bref. Oui. Ça, c'est les démons. Bon, mais ça, c'est se créer des démons. C'est de voir le mal partout. Attardez-vous au hip-hop, là, puis laissez faire le métal. C'est ça. Tigers of Pantang. Excellent premier album. Ben oui. Paru en 1980. Je l'avais-tu dit, 1980? Non, mais tu viens de le faire. 23 août 1980 sur MCA. La pièce était Euthanasia. Hey, moi, quand j'ai entendu cet album-là la première fois. Ouais, là, c'était bon. J'ai dit, wow! J'ai dit, hey, mais c'est comme Motorhead, parce que le vocal. Il ressemble, c'est plus lui maintenant, il reste que le guitariste Rob Weir là, dans le groupe. Là. Mais le vocal avait beaucoup d'intonations à l'émi, mais tu sais, plus métal. Oui. Encore cet album-là, aujourd'hui, je le trouve super bon. Là. Excellent album, même le deuxième aussi est très bon. C'est-tu The Cage? Je pense que oui, mais je suis pas sûr. Dans les internets. C'est Spellbound. Spellbound, c'est ça. On a eu Samson. Samson, qui vient de l'Angleterre. Ah, il a ça, là. Je sais que toi, t'aimes pas ça. Pourquoi j'ai choisi Samson? Ben, parce pour m'écœurer, je suppose. Oui, entre autres. Mais surtout... Ça a marché. Surtout pour expliquer aux incultes qui nous écoutent présentement. Mais ben, tu penses qu'on a des auditeurs qui sont incultes, toi? Probablement la majorité. Alors, nos incultes qui nous écoutent et les incultes qui nous écoutent pas également. Ben oui. Ça pourrait faire une espèce de débat sur les internets, si vous voulez. Samson, le chanteur, c'était Bruce Dickinson. Ben eh bien oui. Non, il a pas commencé avec Iron Maiden. Ben non. Ben non, puis pas plus que c'est Metallica qui a inventé le rock. Ah non? Ben ok, si tu veux. Je pensais que l'album noir, c'était le premier. C'est pas le premier qui sonnait le glas. Oui, c'est ça. C'est le premier mauvais album de Metallica, effectivement. Alors, on a entendu la pièce Hard Time qui est parue sur l'album Head On. C'est paru le 2 juin 1980 sur Grim Records. Je suis désolé, mais je suis pas capable. J'écouterai possiblement pas ça tout le temps, moi non plus, mais c'est quand même possible. Ben, juste le fait que tu me dises que tu l'écouterais peut-être de temps en temps, là, c'est décourageant. Non, mais il y a bien du stock que j'écoute juste de temps en temps, là, tu sais. Il y a des choses que... Il y a bien des affaires que tu devrais pas écouter du tout, comme ça. Oui, peut-être que je serais moins fou. Oui. Et on a commencé avec Crocus, formation suisse, avec l'album Metal Rendez-vous, qui a marqué pas mal la carrière de Crocus. Ils ont connu une carrière en dentis. Oui. Et ça a fait un feu de paille. Groupe qui aurait pu aller beaucoup plus loin, mais oui. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé, on ne le sait pas. C'est la pièce Eight Strokes, excellente pièce de cet album qui est paru le 30 juin 1980. Notez, pour les moins incultes de la gang... Et s'il y en est? Peut-être que ceux qui connaissent un peu plus la musique, qui ont reconnu certains relents de AC/DC avec Bon Scott à la voix. C'est un peu pour ça que j'ai mis ça, tu sais, c'est pour montrer que... Ben, il y avait une espèce de lien qui se créait. Ouais, là. Passage de. Pas passage, mais une répétition un peu de ce qu'il avait été fait. Parce qu'on s'entend que 1980, ça a été l'année de Back in Black. Ouais. Back in Black, premier album avec Brian Johnson. Donc, Bon Scott était décédé depuis presque un an. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre Crocus. Non, c'est un bon choix. Juste pour vous faire le jour. Tu sais que Crocus, je regarde l'alignement actuellement, il n'y a que le batteur qui ne soit à peu près pas un des membres originaux. Ouais, mais je pense que c'est pas mal toute la même gang. Mais Mark Story, c'est encore là, si je me trompe pas, là. Au vocal. Oui, tout à fait. Il est là depuis 79. On a Mandy Mayer qui est là depuis 81. On a Mark Coller qui est là de 82. Chris Van War qui est là depuis 75. On a un membre fondateur. Ben, ils ont sorti quand même des très bons albums. Ils ont de bons albums. Personnellement, mon préféré. Headhunter. Non. Non. C'est One Vice at a Time. Oh, il très est bon, vraiment très ici bon, d'ici. Très, bon. Très ici d'ici. Mais tu vois, Headhunter. Ça leur a aidé énormément. Oui, oui, oui. Ça, puis The Blitz aussi, j'avais beaucoup aimé à l'époque. Ouais, j'ai connu le groupe à l'époque avec cet album-là. Mais est-ce que tu sais que lors de leur début, en 75, c'était un groupe progressif? Pour vrai? Je te jure. Ils ont manqué le goût solide. Et c'était très mauvais. Ah oui? Ben, très mauvais. J'exagère, mais c'était pas bon. Un groupe progressif très mauvais. J'ai ça à la maison, je voudrais que je te fasse écouter ça. Ça s'appelle Crocus? Absolument. Ah oui? Oui, le premier album s'appelle Crocus. Ah ben. Et c'est pas du bon progressif, mais ils n'ont fait qu'un album comme ça. Ils se sont rendus compte qu'il faudrait peut-être qu'ils changent de style. Ils on sait pas jouer, les gars, on va y aller plus loin. Là, ouais, c'est ça. Ils ont l'histoire avec plus hard rock, mais je vais te faire écouter ça, Sinistros, puis tu pourras m'en donner des nouvelles, ou peut-être que tu pourras plus me parler après, je sais pas. Là. Et c'est ce qui clôt l'évolution métallique selon Sinistros. Ben, c'était à moitié bon. Non, ben, un tiers, deux tiers bon, finalement. Ben, là, il y en a quatre, fait que. Bon, Crocus, c'était correct, là. Bon. Tigers of Pantanosi, c'était correct aussi. Ben, trois corps bons de bon. Bon, OK, je suis d'accord. Mais un corps exécrable, par contre. Ouais, mais toi, t'aimes pas Samson. Fait que t'aimes pas Dickinson. Non, mais moi, j'ai raison. Mais toi, tu connais rien. J'ai raison de connaître rien aussi. Même en race, il l'a dit tantôt. Je te le dis, je te le répète, j'ai raison de connaître rien. Oui. Si la musique, c'est Samson. Hey, je vous parle de cinéma et de séries télé. Et je vais commencer par vous dire que actuellement en salle, c'est Overlord. Est-ce que tu as vu les previews de ça? Je suis pas sûr, mais peut-être que oui. Ça a l'air super bon. C'est un drame de guerre d'horreur. Ou un drame d'horreur de guerre. Oui. C'est juste avant le débarquement. Des parachutistes arrivent sur un terrain ennemi et découvrent qu'il y a un laboratoire qui fait de la transformation génétique. Et ça a l'air que c'est vraiment bien. Donc, c'est en salle actuellement. Tu t'arrêtes de me dire qu'ils ont découvert notre secret de 1944. C'est toi dans mon toit. Ah. Le micro est ouvert. Et je vais y aller avec ce que j'ai aimé le moins, mais dans les faits, je parle de deux titres et je les ai aimés tous les deux, mais il y en a un qui est un petit peu moins. Un film à connotation biopic, ou si tu veux, historique, d'une certaine façon, et à connotation criminelle, c'est Black Landsman. Est-ce que ça te dit quelque chose? Pas du tout. Avec John David Washington, c'est le fils de Denzel. Et ça raconte l'histoire, au début des années 70, d'un Afro-Américain qui rêve d'être engagé dans la police et qu'il devient, et que finalement, il infiltre le Ku Klux Klan. Ah oui, je pense que ma conjointe m'a parlé de ce film-là. Ben, c'est fort bien. Ben, elle a dit qu'elle n'a pas trouvé ça. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ah, ouais? Je trouve ça très original parce que, évidemment, un Afro-Américain ne peut pas infiltrer Ku Klux Klan. Non, donc, il ne fait qu'être l'intermédiaire au téléphone. Il fait intervenir un autre agent qui est joué par Adam Driver, ou si tu veux, Kylo Ren. Ouais. Qui est très bon dans ce rôle-là, d'ailleurs. Moi, je l'ai pas aimé dans Star Wars du tout, là. Mais il est vraiment très, très bon. Puis c'est une histoire vraie. Et ça leur, ça leur a permis de pouvoir infiltrer et de démanteler certaines pratiques du clan qui, à l'époque, était, dans les années 70, un peu plus tranquille, je dirais, que lors de leur création, du moins, là. Donc, c'est un bon film, Black Landsman, ou en français, je crois, c'est J'ai infiltré le Ku Klux Klan, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment très bon. Des petits bouts sont rigolos aussi, je dois dire. Mais mon highlight de la semaine est vraiment pour la première et dernière saison de The Haunting of Hill House, qui est une série d'horreur fantastique, hantise bien sûr de Mike Flanagan, et dont notre écrivain de l'horreur spécialisé Stephen King a dit « J'ai adoré ». Moi, je n'ai pas adoré parce que j'irai pas jusque-là, mais j'ai beaucoup aimé. Est-ce que t'aimes les trucs d'hantise? Et pourquoi toi? Tu dis que ça vaut juste une saison? Ben, ça finit bien en soi comme okay, ça okay. Après les 10 épisodes. Je vois pas pourquoi on rajouterait quelque chose honnêtement. Ou à moins qu'ils fassent comme une nouvelle histoire, un peu comme ils ont fait avec American Horror Story. Mais ça, American Horror Story, c'est différent. Sinistros, parce qu'ils changent de sujet toutes les fois. Ouais, c'est ça. C'est une thématique qui est différente. Mmh. Donc, ils peuvent se permettre de... En fait, là, ils sont rendus à 7, c'est peut-être un peu trop, là, mais bon. Mais alors que là, c'est autour d'une seule et unique histoire d'une maison qui s'appelle Hell House. Je sais pas si t'aimes ça, les trucs d'antise, toi? Un peu. Ben, celle-là a une approche très différente. Très, très différente. Et beaucoup plus psychologique. Et beaucoup plus subjective. Mais ce qui est vraiment bien dans cette série-là, c'est que, à l'instar de ce que Tarantino peut faire, on joue énormément dans les vagues, dans l'espace-temps, pour rassembler les éléments éventuellement dans les épisodes et faire comprendre pourquoi on en a amené là. Okay. Et vraiment, c'est vraiment très brillant la façon que c'est amené. Moi, j'ai beaucoup aimé la série et je pense qu'elle mérite vraiment, pour tous les amateurs du genre horreur fantastique, d'être écoutée et de ne pas se laisser prendre au piège. Parce que les premiers épisodes sont un peu lents, mais c'est une mise en place qui devient excessivement importante quand tu arrives au milieu de la série. Donc, The Haunting of Hill House, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et que je recommande énormément. Musicalement, nous allons faire un tour du côté de ce qui est, ce que je pourrais dire, être incontournable, death metal, bien sûr, avec des sorties qui sont parues au cours des derniers mois, soit septembre et octobre. Nous allons entendre entre autres Dayside, devrais-je dire, Crazyn, ainsi que Behemoth. À l'instant, c'est All That Is Evil Like You. Let's go. Yeah. What's up, everybody? This is Alex from Crimson, and you're listening to Dr. Pain, Pendragon on CFOU 89.1 FM. Et vous croyez vraiment pouvoir ramener les morts à la vie? Je l'ai assemblé de mes propres mains avec de nombreux corps que j'ai pu récupérer dans des tombes sur des Poddors, n'importe où. Vous n'avez qu'à aller voir vous-même. The Undead Incorporated Show. Désolé, nous étions partis sur de grandes conversations techniques. On vient d'entendre à l'instant de la Pologne Behemoth et un extrait de l'excellent album I Love You at Your Darkest, qui est paru le 5 octobre dernier sur Mystic Production, leur 12e album, et la pièce étant We Are the Next Thousand Years. Juste avant, nous avons Christian du Brazil. Et Demonic 3. Qui est tiré de Scourge of the Entrome, leur 12e album qui est paru le 7 septembre dernier sur Century Media. Très bon album aussi. Et on va avec A Dayside de la Floride et All That Is Evil, tiré eux aussi de leur plus récente parution, soit le 11e Overture. 11e, c'était pas concept parce que les deux, c'est 12e. Ouais, ben, Les concepts, moi, j'essaie de les faire volontaires, mais involontairement, j'en fais pas. Overtures of Blasphemy, qui est paru le 14 septembre 2018 sur Century Media. Également, il est 20h27 et vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show. Et cette fois-ci, je crois que notre ami Sinistros va nous amener vers... À la pause. À la pause, oui, mais tu vas nous amener vers quelque chose qui est un peu plus Doom, je crois. Oui, Doom et Stoner. On va à la pause, comme tu le dis. D'accord, on revient. Tu aimes la pizza et tu aimes économiser? Botan Pizza est l'endroit idéal pour combler les deux. Profite de nos deux pour un. On est à 10 minutes à pied de l'université. Profite également de notre salle à manger avec ta famille et tes amis. Botan Pizza, c'est juste le meilleur. Pour plus d'informations sur notre menu, consulte leRestoZone.ca. Debout les hiboux, c'est quoi ça? C'est pour les oiseaux de nuit qui se couchent tard mais qui se lèvent tôt pour le travail. C'est ton émission du matin avec Marc Gagné et ses acolytes. Évidemment, on va brasser ta cage le plus possible en chronique culturelle et sportive, actualité, art, musique et événements. Debout les hiboux, un show assez fou, mais juste à point pour te réveiller du bon pied. Du mardi au jeudi, de 7h30 à 9h30, à la Radio Campus, c'est fou, 89h. Du monde. C'est fou, 89.1. We're back. Eh bien, petit bloc Doom, tendance stoner, qui s'en vient? On va avoir une formation italienne, s'appelle The Ossuary. Avec la pièce Witchfire, c'est parti sur Post-Mortem Blues. En 2017, sur Supreme Chaos Records, nous avons également formation américaine, The Obsessed. American, The Obsessed, dont le membre fondateur est un Hells Angels. Tu vois? Oui. Ah oui? Avec la pièce Punk Crusher, je dis oui, en voulant dire. Bien sûr, c'est évident, mais je cautionne pas ça non plus. Non, mais c'est parce que c'est pas évident pour personne. C'est là. Pas évident pour personne. Tu sais, il y en a qui disent, oh, c'est un ex, tu peux pas être ex là-dedans, c'est impossible. Ben, j'en ai aucune idée. En tout cas, si t'étais ex, parce que t'es plus vivant. T'sais. Peut-être. C'est paru sur l'album Sacred, excellent album paru en 2017. C'était le premier album en dedans de 25 ans, je pense. Et on va voir Trouble, les pionniers du Doom Metal. Mais pourquoi tu dis que c'est les pionniers? Ben, pas tant pionniers, là, mais parmi les pionniers. Bon, disons qu'on va faire du Doom actuel. On va faire un compromis. Ce ne sont pas les pionniers, mais ce sont le pic du pionnier. Oui, le pic du pionnier, c'est ça. Ben, est-ce qu'on est prêt à y aller? OK, allons-y. Où ça? Avec The Ossuary, en Italie. Oui, d'accord. Ça fit avec la Botan Pizza tantôt. On se dégrade, nous autres. Let's go! Cards. 20h44. L'émission s'achève, mais vous êtes toujours à réanimation, les Undead Incorporated Show, en compagnie de le Saint-Gobelin, semblait-il. J'ai peine à le croire, là. Et de moi, votre cher et charmant docteur. Oh! Quelle pièce nous venons d'entendre? Ben, tu veux que je te dise ou... Non, c'est une question? C'est une exclamation. Quelle pièce venons-nous d'entendre? Trouble avec The Tempter, une de mes pièces préférées de Trouble. C'est paru sur l'album éponyme, aussi appelé Psalm 9, qui est paru en mars 1984 sur Metal Blade. Leur premier également? Oui, premier, c'est ça que j'ai dit. Ah, j'avais pas compris. Oui. Je t'écoute jamais quand tu parles. Donc, d'accord. The Obsessed, ouais. Avec Punk Crusher. Qui? C'est The Punk Crusher. Je t'écoute pas. La pièce, c'est Punk Crusher. Il crush des punks, là. C'est que d'orangeade, ça? Oui. OK. Oui, c'est Orange Punch Crusher. C'est paru sur Sacred. Paru le 7 avril 2017. Orange Crush Pusher, quelque chose. Orange Crush Pusher, c'est ça. Et c'était précédé de The Ossuary de l'Italie avec Witchfire. Oui, c'est une formation assez jeune, quand même. Oui. Puis très, très, très bon album, Postmortem Blues, qui est paru le 7 février 2017 sur Supreme Chaos. Le premier et unique, d'ailleurs. Oui. Ce vendredi, ici même à C'est Fou, 89.1 FM, dès 11h, c'est l'émission Rock Classique pour les vrais amateurs de vrai rock, en compagnie de notre ami le Rockmaster René Lefebvre, qui vous présentera cette semaine le traditionnel 3 pour 1, avec probablement ce qui fait de Rock Classique la marque de commerce, les éphémérides, groupe obscur et album classique, ainsi que probablement d'autres farfeluteries que Rockmaster va vous présenter, des nouveautés, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu la playlist du tout. C'est de 11h à 17h pour les vrais amateurs de vrai rock. Et n'oubliez pas aussi notre ami DJ Tower of Death et Subversion, que vous retrouverez tous les deux semaines sur SoundCloud, ainsi que le blog de notre ami... Ah, pourquoi je dis tout le temps ça, ami, moi? Sinistros. Ça reste tout le temps. T'es pris avec ça dans la bouche. Oui, comme avec bien d'autres affaires. Ce que vous savez pas, chers auditeurs, c'est que j'ai fait du vaudou. J'ai une poupée du Dr. Pendragon à la maison. Je lui faisais n'importe quoi. Il y a une poupée de moi à la maison, puis il m'a bien du linge de Barbie. C'est pour ça que t'allais fou de même. Oui, c'est ça. Le blog de Sinistro sur lamort.com avec ses chroniques et ses revues. Tu fais encore des revues de cinéma? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Ouais. Mais même Star Wars, je me suis dit que mon créneau filmique était... C'était pas... Je veux pas le temps, puis c'est pas... Parce que t'es pas bon, c'est ça? Non, peut-être, non. Non, je préférais chroniquer des albums, puis... Ouais. Le cinéma, je vois laisser ça au Dr. Pendragon. De toute façon... C'est pas meilleur. Je fais pas le figure comparé à ces super chroniques. Pas de basse flatterie, je vous en prie. La semaine prochaine, Sinistro, c'est moi, réanimation, nous vous présenterons ce qui vous fera fuir pour une autre fois. Et oui! C'est-à-dire le Mechanical Surgery, exploration de la musique industrielle et BM et Connex. Donc, ce segment qui revient à toutes les trois émissions du mois. Vous en pas, ça fait juste commencer. J'ai préparé de quoi de bien cette fois-ci. Moi aussi, mais attendez, là. Le mois prochain, celui de décembre, vous allez capoter. Ben, t'es un peu, toi, faut que je vérifie quelque chose. Ah non, tiens-moi ça, je cours au bout, là. Décembre, oui, parce que vois-tu, la dernière émission de décembre sera le 18 et ce sera avec un Mechanical Surgery. Ah, ça finit bien l'année 2018. Ben oui! Mais nous aurons aussi la semaine prochaine les présentations des albums Uncle Acid and the Dead Beats, Wasteland, dernière parution. Excellent album. Je l'ai pas écouté encore. C'est vraiment un petit bijou. Oui, oui. Très, très bon. D'accord. Et moi, je vous présenterai une formation qui s'appelle Lord Dying et l'album étant Poison Altars. C'est l'album, c'est pas une nouveauté. Ouais, mais Lord Dying, c'est vieux, ça. C'est 2015, cet album-là. Puis comment ça vient juste de sortir? J'en ai aucune idée. Parce que ça me dit quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, j'ai découvert l'album parce que... Wow, c'est quoi ça? Ouais, c'est bon. Sans savoir que c'était de 2015, je me suis procuré cet album-là. J'ai dit, hey, bon, c'est vraiment bon. C'est un Doom Stoner. Oui. Je suis en train de regarder dans mes trucs si j'aurais pas ça quelque part. Ben, ça se pourrait. Moi, j'avais jamais vu passer ça avant. Mais tu sais une chose, Sinistros, je m'en fous comme dans la Je sais, moi aussi. Ben oui. Tu sais, nous autres, on est à la radio aussi pour dire que des âneries. Beaucoup. Pour nos deux. Mais maintenant, peut-être trois auditeurs maintenant. Ben, peut-être qu'on les incite même à en dire des enneries. C'est tout. Au moins deux inclus là-dedans. C'est on aurait une bonne influence. on va se quitter avec, cette fois-ci, c'est moi qui clôt l'émission, avec un bloc de trois pièces que je catégoriserais de trash old school, dans lequel on va entendre de Californie Dark Angel et la pièce de Burning of Sodom, une pièce complètement cinglée, qui est tirée de leur deuxième album Darkness Descends et le seul que je considère étant vraiment bon. 1986, Creator d'Allemagne avec Pleasure to Kill, pièce titre de cet album, leur deuxième également, paru en novembre 86, et on va ouvrir tout de suite avec un classique, Possess, mais pas la pièce, c'est pas un classique, parce que c'est une pièce que j'ai tirée du deuxième album Beyond the Gates, le deuxième, comme je l'ai dit, paru le 31 octobre 86, et une des rares pièces que j'aime vraiment, Tribulation. On se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, allez tous vous faire foutre. See you, go! of a blade. The bodies are pretty much all in love. When all endless is still, no one can save you, the parents are friends, don't they already be killed? My only entertainment in life, the more bad I feel. My only pleasure to hear many cry from those touch up on my steel. Cut off your blood from your open body, it's all I want to see. Tasting the blood from your lips as you die means satisfaction to me. Black shot to kill. Hear my beat as you see me running, tipping arms of care. Listen now to the moral pressure, only your lesson is scared. Look to my eyes, you see it's love, the only thing you see in me. Now I can make different cross. There's no light, laughing at the world.